les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À la fin de l'année 2005, Claude Lanzmann reçut Laure Adler chez lui pour une série de 10 entretiens à voix nue. Le septième moment de cette rencontre s'ouvrait par une évocation du discours que l'auteur de Shoah avait prononcé quelques mois plus tôt, en octobre 2005, à l'occasion d'une cérémonie qui eut lieu au mémorial de la Shoah à Paris. Lanzmann y parlait de la force du mur des noms, ce monument érigé à l'entrée du musée et sur la pierre duquel on peut lire, un à un gravé, les noms des 76 000 juifs déportés de France. La nomination, disait-il alors avec force, est la sépulture même. Puis le cinéaste évoquait la temporalité spécifique de Shoah et le voyage décisif qu'il fit en Pologne en 1978, ou plutôt qu'il se résolut à faire, et le caractère de détonateur qu'eut pour lui la rencontre avec les lieux où fut mise en œuvre l'extermination des Juifs. À voix nue, Claude Lanzmann au micro de Laure Adler, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 janvier 2006. À voix nue, bonjour à toutes et à tous. À voix nue, septième entretien aujourd'hui avec Claude Lanzmann. Claude Lanzmann est cinéaste, directeur des temps modernes. Il a fait de nombreux films dont le plus célèbre demeure Shoah. Aujourd'hui, il va évoquer la manière dont il a travaillé et dont il a enquêté pour son film Shoah. Et la première question que je lui ai posée était de savoir si à ses yeux, le génocide constituait-il, selon lui, une césure dans l'histoire de l'humanité? Je le pense, oui, sans aucun doute, mais je ne voudrais pas entrer là-dedans, je ne voudrais pas qu'on soit dans des discussions trop abstraites que j'ai toujours refusées dans mon travail. Je vais pas me mettre à vous expliquer en quoi c'est une césure. En tous les cas, Les Juifs ont historicisé la Shoah, ce qu'on appelle la Shoah depuis mon film, Shoah, ont historicisé la Shoah à un point... Enfin, si on réfléchit à la façon dont elle a été historicisée par eux, c'est quelque chose de très, très, très impressionnant. Et je pense que ça tient à ce que c'est un événement qui est un événement central du XXe siècle, le plus central peut-être, et je pense qu'on a le droit de former cette pensée. C'est un événement qui est notre présent même. Il suffit de rencontrer les enfants, les petits-enfants continuent à le vivre littéralement dans leur chair. Ça ne passe pas. Et c'est un événement qui n'a pas trouvé sa fin, qui n'a pas trouvé sa terminaison. En ce sens, on a le droit de dire ses césures. Et c'est, d'une certaine façon aussi, l'aune à laquelle tout, aujourd'hui, se mesure. C'est le maître étalon de toutes les revendications, de toutes les compagnies. Mais cette histoire de concurrence des victimes, il y a eu un livre, il y a quelques années, d'un type, un Belge d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Michel Chaumont, je crois, qui s'appelle « La concurrence des victimes », auxquels quelques revues ici ont prêté asile, et le simple titre est repoussant. Je répète, il n'y a pas de concurrence des victimes, il y a seule solidarité des victimes, ce qui ne veut pas dire que les événements historiques soient les mêmes. Dans le discours que vous évoquiez hier, Claude Lanzmann, que vous avez prononcé au mémorial juif à Paris, vous avez dit « nommer, c'est ressusciter ». Vous avez prononcé ces paroles. Qu'entendez-vous par là ? Être sûr que j'ai dit ça, le nom fait ressusciter. Je pensais, mais je crois en avoir déjà dit un mot quand même, au mur des noms, qui vient d'être achevé. Et là, il faut rendre véritablement hommage à Serge Klarsfeld, parce que c'est lui qui est à l'origine de ça. Et je me souviens de mon bouleversement quand il avait publié son mémorial de la déportation des Juifs de France. À savoir, c'était un gros livre mal broché. Et à l'intérieur, vous n'aviez que des pages dactylographiées. Enfin, il avait fait ça sans moyens, sans argent, et grossièrement broché, enfin, et grossièrement imprimé, pas dactylographié, avec simplement la liste des noms des déportés de chaque convoi, et c'était bouleversant de voir ça. C'était les noms, la nomination et la sépulture même. Et les noms, oui, j'ai dit cela, en effet, les noms. Les noms sont une résurrection. Mais on voit ça dans les... Si on va se promener dans les cimetières de Paris ou des banlieues parisiennes... à Bagneux, à Saint-Ouen, à Pantin, où vous voulez, enfin. Et vous avez souvent des tombes qui sont là avec une photo ou pas de photo du tout, et puis un nom, mort à Auschwitz en 1942, il n'y a pas de cercueil dessous, il n'y a pas d'ossement, il n'y a rien. Donc ce mur... quand on est dans cette allée, il y a plusieurs allées avec tous ces noms gravés dans la pierre, la pierre de Jérusalem d'ailleurs, une très belle pierre. On éprouve physiquement l'immensité du désastre, que ça a été, l'immensité de la perte, et également la tragédie de chaque destinée. Individuel. Donc la question des noms, en effet, est centrale. Et elle l'a été pour moi très vite dans tous les films que j'ai faits. Shoah est une autre forme de sépulture. En un sens, on peut dire que Shoah est aussi la construction d'un tombeau. Vous parliez tout à l'heure de... l'historicisation de la Shoah, de ce présent qui s'entrelace avec un passé toujours aussi brûlant. Vous avez vous-même été un acteur majeur de cet acte de nomination et de mémorisation de la Shoah par votre film. Pensez-vous que vous auriez pu faire votre film Shoah sans cette évolution très étrange sur le plan historiographique de la lente intégration dans notre mémoire commune, aussi bien en Europe qu'en Amérique, de ce qui s'est passé pendant la guerre, de l'extermination? Je dirais ça autrement, hein, semble-t-il. Je dis ça en toute humilité, mais je pense que c'est la vérité. C'est mon film qui est très largement à l'origine de cette intégration. Parce que quand j'ai commencé ce travail, il n'y avait jamais eu ça. Il n'y avait jamais eu un film, non pas sur la Shoah, c'est pas un produit de la Shoah, c'est pas un dérivé de... C'est ce que j'écrivais Manès Sperber et à Raymond Aron, d'ailleurs, qui étaient venus tous les deux voir les trois premières heures du film quand ils étaient en train de le monter. Et Aron est mort très peu de temps après, d'ailleurs. Mais moi, personnellement, j'aimais beaucoup Aron. Et contrairement aux historiographes français qui font semblant d'opposer éternellement Aron et Sartre. Oui, c'est insupportable. Mensonge. Ce ressassement. Et Aron aimait Sartre, excusez-moi. Il reconnaissait son génie. Chaque fois que je déjeunais avec lui, il ne me parlait que de Sartre. Il revenait de façon têtue là-dessus. Mais oui, je leur avais écrit ceci, je leur avais dit que précisément que ce film qui ne s'appelait pas encore Shoah, ça n'avait pas de nom, n'était pas, on disait encore Holocauste à ce moment-là, n'était pas un produit de l'Holocauste, un dérivé de l'Holocauste, que j'avais le sentiment que c'était, moi, un événement originaire, le film. Et je l'avais, je ne me trompais pas, c'était 3 ans avant l'achèvement du film. Et les 20 années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui n'ont pas cessé de le prouver. Parce que Shoah est un film qui ne vieillit pas, qui ne prend pas une ride. On peut le voir, il crée à chaque fois sa propre actualité. Je l'ai voulu ainsi très consciemment. Le texte inaugural du film, puisque le film commence par un déroulant qu'on lit dans le silence, et la première phrase est celle-ci, l'action, mais au sens l'action dans le théâtre racinien, l'action de la tragédie. L'action commence de nos jours. De nos jours, c'était en 1985, quand j'ai écrit ce texte, avant la sortie du film, c'était à la fin des années 70, quand j'ai tourné, c'était avant même, quand je faisais tout le travail préliminaire, les enquêtes exploratoires et tout, c'était en 1942, pendant que tout ça se passait. Et chaque fois que le film sort quelque part, c'est de nos jours. Alors évidemment, il ne faut pas que j'exagère, dans 50 ans, ça ne sera plus de nos jours. S'il y a encore des gens pour voir le film dans 50 ans, on n'en sait rien. Mais il n'aura pas vieilli. Tout ça, ça tient à une relation au temps profonde, particulière, chez moi et dans le film même, parce que la temporalité est centrale dans ce film, à la fois par sa longueur et par la façon dont il est construit, la construction circulaire et l'approfondissement, la corroboration, etc. C'est un peu un grand dévoilement, Shoah, de beaucoup, il y a des psychanalystes qui ont écrit sur Shoah. Il y a des psychanalystes, il y a des intellectuels, il y a des philosophes. Beaucoup, oui, il y a des qui ont écrit sur Shoah. Des milliers d'articles, de thèses, de livres, ça n'arrête pas d'ailleurs. Il y a aussi des enfants, des adolescents, des enseignants qui ont écrit sur Shoah. Et tous, quel que soit leur âge ou leur manière de voir le monde, tous éprouvent la même impression, c'est-à-dire cette impression de tomber dans le puits de la mémoire, mais en même temps de vivre cette mémoire comme du présent incandescent. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur cette archéologie souterraine de la construction de ce film, Shoah. Donc, préparation, 12 ans. Non. La réalisation du film m'a coûté 12 années de travail quotidien, dans lequel il faut comprendre les années de lecture, de recherche, etc., de tentatives d'articulation dans ma propre tête de cette histoire. Je faisais des tableaux blancs synoptiques dans les bureaux dans lesquels je travaillais. Et puis, il s'agissait d'un film, pas d'un livre. Il fallait... C'est un film qui est devenu un livre, d'ailleurs. Oui, c'est autre chose, ça. Donc, il fallait des protagonistes pour le faire, qui sont devenus des personnages. Donc, il a fallu les trouver. Il y a trois catégories de personnages dans ce film. Il y a les victimes juives, qui sont une espèce très particulière. Il y a les tueurs, puis il y a les Allemands dans le Shoah. Ce sont eux qui parlent, les nazis. Et puis il y a les témoins polonais, les paysans qui vivaient tout autour des camps d'extermination, qui voyaient, qui entendaient, qui sentaient. Et donc il a fallu toute cette... C'est très compliqué, Shoah est un film immaîtrisable, même pour moi, et c'est très compliqué. Par exemple, ceci, ça peut-être éclairer les choses. La logique de mon travail eût voulu que je commence mes enquêtes exploratoires. Et je croyais bien que je commençais ça le cœur battant et en tremblant et en ayant peur et avec beaucoup de crainte de ne pas réussir. Oui, la logique eût voulu que je commence par la Pologne. Et je ne voulais pas aller en Pologne. J'avais un refus profond d'aller en Pologne. Je me disais à quoi ça sert d'aller en Pologne. Ça s'est passé là-bas, mais tout est mort. Où se trouve ce qu'on a appelé alors l'Holocauste ? Bon, moi, c'était dans les mémoires, dans les consciences. On pouvait en parler n'importe c'était où. C'était immatériel. N'importe où, de partout, d'Australie, de Paris, de Berlin, de Jérusalem, n'importe où. Donc je ne voulais pas aller là-bas. Et puis c'est tout à fait à la fin, après des années d'enquête, très difficiles, périlleuses, en Allemagne, dangereuses, dans le monde entier, je cherchais des gens très, très précis quand même, que je me suis résolu en me battant contre moi-même, en me donnant vraiment des coups de pied, à aller en Pologne. Et... Je suis arrivé là-bas, à Varsovie, dans l'hiver 1978. J'ai loué une voiture et j'ai été à Treblinka, à 80 km au nord-est de Varsovie. Où j'étais ? J'étais sur le site du camp. On ne voit rien, il y a simplement des pierres levées, des stèles commémoratives avec les noms des diverses communautés disparues, des villes, même des pays. Enfin, parce que quand même, 600 000 personnes sont mortes là-bas. Et bon, je n'étais pas particulièrement ému. Et j'ai passé là une heure et demie, et puis je suis parti. Je me suis mis à tourner avec ma voiture dans les parages du camp. Et je suis tombé sur des villages, à ma stupéfaction. Des villages qui existaient avec des gens de tous âges. Des gens qui donc... En 1942, il y avait des gens qui avaient 20 ans, qui en avaient même pas 60. Enfin, et c'était une surprise formidable. Je me souviens encore parfaitement des noms de ces villages, Prostine, Poniatovo, Volga, Ogonglik. Et j'ai continué. Et soudain, je tombe sur un panneau au bord de la route, Treblinka. Ça, c'était le choc absolu. Je n'imaginais pas, et ça c'est profond, que un village du nom de Treblinka pût encore exister. Et j'ai compris ce qui s'était passé en moi. Et j'ai continué, puis je suis tombé sur la gare et j'ai vu le panneau Treblinka avec des wagons, parce que c'est un trafic. Les trains passent, wagons de marchandises qui sont là à l'arrêt. Et le panneau Treblinka. Alors ça, ça a été... Jusque-là, j'étais comme une bombe chargée à bloc de savoir, de tout ce que j'avais pu lire et du savoir de toutes mes enquêtes exploratoires et préalables, ce que j'avais fait avant de venir en Pologne. Mais le détonateur manquait. Et la Pologne a été le détonateur. Soudain, la bombe que j'étais a explosé. Et je me suis mis à tourner très très vite. J'étais comme dans un état d'hallucination vrai, véritablement. Et pourquoi ça? C'est, si on veut comprendre les racines de Shoah... J'ai été le contemporain de ces événements, complètement. Bon, et j'aurais 100 fois pu être déporté et périr là-bas. Et l'horreur était telle pour moi que je pense que j'avais repoussé tout ça dans mon esprit avant de me mettre à travailler. À une distance stellaire, dans les étoiles. Cela, faut tenir les deux bouts de la chaîne. J'ai été le contemporain de ces événements, mais ils sont tellement chargés d'horreur que cela n'a pas pu se passer de mon temps. C'est-à-dire, j'ai été le contemporain et en même temps la contemporanéité était refusé par moi c'était horrible. Et c'est ce que je dis à la racine de Shoah, c'est pas la mémoire qui est à la racine de Shoah, pas la mémoire et c'est pas le souvenir, mais c'est bien plutôt ce que j'appelle l'immémorial. Et c'est lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le présent. C'était À voix nue. Claude Lanzmann s'entretenait avec Laure Adler dans une émission réalisée par Doria Zénine et diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 janvier 2006. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nues.